Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Veillée de prières, concerts, dédicaces, promotion de livres et œuvres sociales. Auditrices et auditeurs de la vie, bonjour, bienvenue dans la réception de nos invités. Que la paix de notre Seigneur soit sur vous. Alors, Erwin Takbe nous conduit du côté technique et au microphone Pelagingis. Nous démarrons cette rubrique avec Monsieur Dan Alfred, bonjour. Vous êtes là pour nous parler d'offres de permis de conduire, on va dire à tout le monde. C'est ça, nous réitérons encore notre appel. Nous saluons d'abord tous nos auditeurs. Nous félicitons tous ceux qui nous ont fait confiance, qui ont commencé à participer massivement à cette opération du permis de conduire. D'accord. Et nous réitérons l'appel à tous ceux qui sont encore hésitants pour leur dire que la première tranche de ceux qui sont inscrits ont presque déjà fini. Mmh. Et leur permis de conduire sera proclamé à la radio Fréquence Vie. D'accord. Par les animateurs que vous êtes. D'accord. Et donc nous encourageons tous ceux qui nous écoutent dès maintenant. On rappelle les prix, c'est 95 000 francs pour toutes les catégories. Mmh. Et ça comprend tous les frais afférents, sauf les frais de retrait de permis. D'accord. Les inscriptions, c'est à partir de 30 000. Mmh. Mais pour pouvoir faire la visite médicale, il faut s'inscrire entre 50 et 60 000 pour au moins commencer à faire la visite médicale. Parce que la visite médicale est inclue dans les 95 000. D'accord. Voilà, donc ça comprend toutes les catégories de permis. Mmh. Tous ceux qui sont encore hésitants, ils peuvent venir s'inscrire. Et nous appelons toute la population. Et nous rappelons que ceux qui sont loin, qui nous ont appelés, qui sont loin, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la commune de Cocody, mmh. ou bien qui sont dans la commune de Cocody, qui n'ont pas le temps, qui ne peuvent pas venir à Messin Auto-École, à Cocody, Angré, ceux-là doivent obligatoirement venir s'inscrire à la radio Fréquence Vie avec la photocopie de leur pièce d'identité. Je répète, l'inscription se fait avec la photocopie de sa pièce d'identité. Les pièces d'identité sont la carte CNI, ou bien l'attestation d'identité suivie du récépissé, mmh. ou bien du passeport, ou bien de la carte consulaire, ou bien de la carte de résidence. Voici les pièces qu'il faut donner la photocopie pour pouvoir s'inscrire à la radio Fréquence Vie. Alors, vous êtes situé où ? Nous sommes situés à Cocody, Angré, derrière le commissariat du 22e arrondissement. C'est là que se trouve l'auto-école. Mm-hmm. Pour ceux qui veulent venir faire la formation pour les cours de code ou bien pour les cours de conduite, mais l'inscription se fait impérativement à la radio Fréquence Vie. D'accord. Alors, on va laisser les contacts pour ceux qui voudront avoir plus ample information. Oui, les contacts sont le 40 42 04 03 40 42 04 03 ou le 05 04 54 26 05 04 54 26. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Alors nous nous tournons vers le pasteur Boué Ferdinand Irié. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là pour nous parler de programme de prière. Merci. Le ministère de la délivrance et du rachat des âmes, en abrégé le MDRAM, organise 3 dimanches de délivrance et de miracles. D'accord. Et le thème qui va nous réunir pendant ces 3 dimanches, c'est connaître les œuvres de la sorcellerie familiale et comment les vaincre. D'accord. Ce thème sera traité par le prophète Niazalé Didier, quelqu'un qui n'est plus à présenter de la nation dans le domaine de la délivrance. Et ça va se faire au centre évangélique des miracles situé à Faya. Alors, quelles sont les dispositions à prendre pour y participer? Voilà, je vais demander à toutes les personnes qui veulent participer de s'y rendre seulement au feu de Faya. Arrivé au feu de Faya, vous allez voir que nous allons poster là des cas pour pouvoir convoyer tous ceux qui viendront. Voilà, l'entrée est libre. Et les cas sont gratuits également? C'est gratuit. D'accord. Dimanche 3, 10 et 17 novembre 2019. À partir de quel? 9h, 9h. À partir de 9h, donc c'est au culte. Voilà, c'est au culte. 3 dimanches, 3, 10 et 17 novembre. Mm-hmm. Ça va se faire au centre évangélique des miracles situé à Faya, précisément derrière la clôture du nouveau camp sur la route de Djerobité. D'accord. Est-ce que vous avez un appel particulier à l'endroit des auditeurs? Voilà, dans la vie, il faut découvrir pour recouvrir. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, voilà, qu'il y ait le temps. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Viens te faire enseigner afin que tu puisses avoir aussi la victoire sur les yeux de la sorcellerie familiale. D'accord. Mm-hmm. On va laisser le contact pour plus d'informations. Voilà, les contacts sont les suivants. Le 47 65 52 06, je reprends. Le 47 65 52 06 ou le 40 44 67 15. 40 44 67 15. Merci. Je vous en prie. Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Le mouvement international l'AKPAMI organise une formation pour être juge de paix. Et nous recevons le révérend Kwasi André Daniel, bonjour. Une formation pour être juge de paix, précisément, ouais. Ça veut dire quoi? Et il faut préciser que l'AKPAMI existe il y a des siècles. D'accord. L'AKPAMI a été un mouvement qui a été utilisé par les hommes de Dieu pour gagner véritablement l'Amérique latine, les États-Unis et plusieurs d'autres pays. Okay. La Capiani est membre de l'ONU, comme Côte d'Ivoire est membre de l'ONU. D'accord. Et la Capiani, ce n'était pas en Afrique à l'époque. Mm-hmm. Il n'y a seulement que deux pays actuellement qui sont la Guinée équatoriale et le Gabon. La Côte d'Ivoire devient troisième pays. D'accord. Et la Capiani forme les pasteurs, les chrétiens, pour être juge de paix de l'ONU. Ce qu'on demande, c'est que partout où nous passons, il faut que nous apportons la paix. D'accord. Car notre Seigneur lui-même, il est le prince de paix. Mmh. Et cette formation va se faire sur 2 semaines. Et en 2 semaines, la formation, il y aura l'enseignement sur la constitution de notre pays. D'accord. Sur le droit universel des Nations Unies, sur tout ce qui est droit et aussi la gestion des conflits, qu'il y soit même dans les églises, mais dans le foyer et même aussi dans les nations. Souvenez-vous que quand il y a eu le problème de Brésil, c'est les CAPIAN qui ont été invités à pouvoir régler le problème du Brésil. Okay. Donc, celui qui est en charge actuellement de la CAPIANI, c'est le général Carlos Arroba, qui est lui-même évêque, qui est sur plusieurs églises au niveau de l'Équateur. D'accord. Celui qui est en charge, il est aussi la troisième personnalité de l'ONU, qui est pasteur lui aussi. D'accord. Donc, il sera là lui-même à la fin de cette formation, c'est lui qui donnera véritablement les accréditations à tous ceux et véritablement qui seront formés à cette formation. D'accord. Alors, quelles sont les dispositions à prendre pour participer à cette formation, on va dire, ces pasteurs? Oui, les dispositions à prendre pour cette formation, il faut, seulement je voulais dire que les pasteurs viennent. D'accord. C'est pour cette formation. Mais elle n'est pas gratuite. D'accord. Elle est payante 350 000 francs. Le pasteur. Oui, pasteur et même les laïcs. Ok. Seulement, il faut être chrétien, évangélique, protestante. Voilà. Il faut être chrétienne. Et c'est le seul droit qui vous donne accès véritablement à cette formation. D'accord. Et les différentes dates de la formation? C'est du 4 au 17 novembre 2019. Donc, juste dans quelques semaines, nous allons débuter cette formation. Cette formation se tiendra où? Elle se tiendra à Angré. Derrière le 22 hommes, arrondissement, au feu, juste au feu, il y a une église. Et là, c'est là que va se passer la formation. D'accord. Alors, quel appel à l'endroit de tous ces hommes de Dieu? Nous disons vraiment à tous les hommes de Dieu, aux chrétiens, que ce mouvement est pour nous, est pour nous tous. Elle n'est pas pour une seule personne. Nous demandons vraiment à tous les chrétiens de venir massivement à cette formation, car ça ne pourra que faire du bien au corps de Christ en Côte d'Ivoire. D'accord, on va laisser les contacts pour plus d'informations. Il y a le 07 18 85 60, 07 18 85 60, le 51 72 40 69, 51 72 40 69. Je vous remercie. Je vous en prie. Amen. Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Nous sommes avec la servante de Dieu, Emine Christie, veuve Kimimo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de programmes de suivi et d'encadrement des personnes vulnérables. C'est ça, bonjour. Bonjour aussi aux auditeurs de Fréquence Vie. Donc, je suis là pour dire que le programme commence samedi 26 octobre 2019 à partir de 9h. Donc, je voudrais commencer par le lieu. D'accord. Donc, nous sommes en allant vers Benjerville. Donc, sur la route de Benjerville, au carrefour Fekese. Donc, la cité, c'est Promogym. Donc, si vous êtes véhiculé, vous allez directement au terminus au Promogym. Pour ceux qui ne sont pas véhiculés, vous descendez juste à Fekese. Il y a les Wawor qui sont là, les taxis jaunes, c'est blanc. Maintenant, vous dites juste au terminus. Dit terminus Promogym. Ils vont vous déposer. Nous sommes juste au terminus. Donc, nous sommes là pour inviter les veuves, les orphelins, les parents qui ont perdu un enfant, les personnes qui ont divorcé, qui n'arrivent pas à surmonter ces divorces, ces personnes amputées, les personnes qui sont malades, les maladies incurables. Des fois, il y a les maladies qui perdurent parce qu'on n'arrive pas à les surmonter. Quand tu vas à l'hôpital, on t'annonce, par exemple, tu as un cancer ou bien certaines situations. On va beau prier pour toi. Mais le problème est que les personnes n'arrivent pas à se mettre au-dessus de ce problème, surmonter une situation. Mm-hmm. Quand on a une situation qui nous arrive, c'est pas les prières, on peut bien prier pour toi, on te dit de gêner, mais la personne déjà moralement là, il a atteint. Mmh. Donc c'est ça qui fait en sorte que les prières ne passent pas. On va prier pour toi, même si tu jeûnes, tu pries, c'est déjà, ça bloque même les prières et ça ne permet pas. Et vous allez voir que quand on prie, on va voir que Dieu ne nous exauce pas. Pas parce que Dieu ne nous exauce pas, mais parce qu'on est dans une situation où la parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes 13, 21, la parole de Dieu dit que le malheur poursuit celui qui pêche. C'est que quand on n'arrive pas à surmonter, on devient, notre comportement change. Mm-hmm. On devient négatif. Donc, nous ne vont plus à l'église. Donc, on veut à tout le monde. On fait porter, on cherche des boucs émissaires. Mmh. Donc, on en veut aux gens, aux démons. Ce sont les démons, ce sont les sorciers. On n'arrive pas à se remettre en cause. Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que je dois faire pour surmonter ces situations? Mmh. Et quand c'est comme ça, les problèmes perdus. Parce qu'on met toujours les problèmes sur les gens. On cherche les gens, on cherche les ennemis. On veut faire les combats sur les gens. C'est vrai, faire combat, c'est bon. Mais des fois, il y a les situations où Dieu veut rien. Mais dit, dans le malheur, réfléchis. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, mmh. et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Dieu veut qu'après toute situation qui nous arrive, il y a toujours une situation de bonheur, il y a une situation où Dieu sait que dans cette situation tu seras heureuse. Mais Dieu ne veut pas que le malheur t'amène à être aigri, à être, avoir un mauvais comportement. À un moment donné, les gens ne te supportent plus, les gens te rejettent. Et quand c'est comme ça, on va voir que non, les gens ne nous aiment pas. Pas parce que les gens ne t'aiment pas, mais tu restes dans la même position. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux situations passées. C'est passé. C'est quelque, même si c'était quelque chose de vraiment précieux, mais c'est passé. Dieu veut faire quelque chose, mais il ne pourra pas faire quelque chose dans ta vie si tu te concentres sur ton passé et tu refuses de faire un effort. Il y a des gens qui refusent. Ils se braquent. Ils ne veulent pas. Donc, on va beau faire, on va beau t'aider, on va beau l'encourager. Il reste dans la même situation. Mm-hmm. Dieu n'aide pas les gens comme ça. Dieu D'accord. veut vraiment que tu aies un nouveau départ. Donc, je t'invite ce samedi. Ce samedi, à partir de 9h, nous serons déjà là. Ce sont des enseignements, vraiment des enseignements simples qui vont vraiment t'aider pas à pas à reprendre le dessus sur ta situation et aller de l'avant. Vraiment, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Venez à ce programme, ce sera déjà un nouveau. C'est une manière de guérir. Donc, nous sommes au 67 66 71 87, le 67 66 71 87, le 41 52 40 97. La parole de Dieu dit, le malheur poursuit celui qui pêche et le bonheur, c'est la récompense des justes. Un juste, c'est celui qui réfléchit. Mais un pécheur, c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui ne croit pas, qui en veut même à Dieu. Donc, n'en veut pas à Dieu, viens. Et Dieu certainement a quelque chose pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci à vous. Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Alors, nous changeons, on va dire, de domaine pour parler cette fois-ci de santé physique. Alors, elle vient de parler de santé mentale, mais là, nous parlons de santé physique et santé des yeux avec Ad Côte d'Ivoire, représentée ici par M. Léopacom. Bonjour. Bonjour, Mme Guessant. Alors, quelles sont les nouvelles de Ad Côte d'Ivoire? Oh, ce mois d'octobre, les nouvelles sont bonnes et plus que bonnes parce que Ad Côte d'Ivoire, l'Alliance chrétienne pour la totale émancipation et la solidarité en Côte d'Ivoire, permet à la population ivoirienne d'accueillir des verres correcteurs et des montures à des prix sociaux. Et ce mois, nous faisons une réduction de 20% sur l'achat des verres correcteurs et des montures. D'accord. Ce qui veut dire que pour les verres correcteurs, je voulais préciser des prix. Les fusions de loin ou les foyers uniques, le minimum est à 15 000 francs. Mmh. Les doubles foyers, comme le nom l'indique, les deux zones de vision, le minimum est à 20 000 francs. Et les progressifs, qui ont trois zones de vision, le minimum est à 40 000 francs. Sur ces différents prix, lorsque vous venez dans nos locaux, nous appliquons une réduction de 20% sur le prix des verres et 20% sur le prix des montures. C'est pourquoi j'encourage tous ceux qui ont déjà fait l'examen de vue dans nos locaux ou qui ont déjà leur ordonnance, quel que soit le lieu où ils ont effectué l'examen de vue, de se présenter dans nos cabinets où nous allons leur permettre de bénéficier de cette promotion. D'accord. Pour ce mois d'octobre qui va bientôt finir. C'est pourquoi je suis là ce matin pour exhorter tous ceux qui nous écoutent. Mmh. Si vous avez un frère, un enfant, enfants, une sœur, quelqu'un qui est élève, étudiant, qui a des soucis de vision et qui se plaint chaque jour que je n'arrive pas à voir bien au tableau, profitez de cette aubaine et venez durant ce mois d'octobre pour permettre à cet enfant ou à ce monsieur d'avoir des verres correcteurs. Alors, quels sont vos jours et heures d'ouverture? Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 17h pour toutes nos activités, mais pour les examens de vue, je demande à tous ceux qui nous écoutent de venir au moins dans la matinée. Mmh. Et les samedis et jours fériés, nous sommes ouverts de 8h à 12h. Ceux qui n'ont pas une connaissance parfaite de la santé des yeux, de toucher nos yeux et de les endommager. C'est pourquoi je vous prie l'œil à des spécialistes, soit des opticiens, soit des ophtalmologiques. Et Ad Côte d'Ivoire est là pour vous aider à avoir des verres correcteurs appropriés à votre santé des yeux. Venez à Ad Côte d'Ivoire et vous serez satisfait. Vous êtes situé où? Nous sommes dans deux communes, à Yopougon, précisément au Carrefour Kenya. Nous sommes en face du bureau de la CIE. Nous partageons le même immeuble à la Bambini sur l'autre côté de la voie. Et nous sommes au troisième étage. À ce niveau, pour nous joindre au 01 04 50 16 ou au 79 14 61 48. À Cocody, Cité des Arts, précisément entre l'école de Jean-Mé et l'INSAT, vous pouvez nous joindre au 01 04 50 17 ou au 79 14 61 47. Bonne santé des yeux à tous et que Dieu nous garde. Amen. Merci à vous.